Rock Radio. www.rockkick.com. Rockkick.com. Allez écouter ça, quelqu'un. Puis venez m'en parler, s'il vous plaît. Chaque peuple a droit à son autonomie. En grande partie, c'est un prérequis de se faire enculer en partant. Merci beaucoup, Eric, de venir nous voir. Rockkick.com. Wake up! Vous écoutez Wake Up Show. Bienvenue au Punisseur. De 8h à midi pour le Canada. Et de 14h à 18h pour l'Europe. Et pour les compétiteurs, la ville est trop petite pour nous deux. Règlement de compte compris. Il est 8h35 minutes, il est 14h35 minutes. Salut tout le monde, Ismaël Trépanier. Wake up le show du lundi au vendredi de 8h à midi, de 14h à 18h. On va faire tout de suite la trame. Au bout du fil, ben, on a Alain Soral qui s'est installé confortablement. Comment ça va, Alain? Oh, ça va. Ouais, pas plus. Oui, c'est ça. Comment dirais-je, de la gueule de bois. Ben, ouais. T'en as pris une bonne? Ouais, enfin bon, c'est la vie, hein. Pas plus que ça, c'est juste la vie, Alain, c'est... Allô? Oui, Alain, comment tu te sens en ce moment? Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu t'attendais à ça? Non, je pense que personne ne s'attendait à ça. En fait, on avait un peu surestimé la capacité de résistance et d'intelligence du peuple de France, parce qu'on s'était basé sur le non au référendum. Ben oui. On s'était dit, si les Français étaient capables de dire non au référendum, ils peuvent continuer à comprendre où les emmène le système et à dire non au système, et c'est pas ce qui s'est passé, malheureusement. Voilà. Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'il prend sa retraite? Non, je pense que c'est quelqu'un qui... Ben, ce que je veux dire, est-ce qu'il va se retirer à titre de chef et léguer peut-être à quelqu'un qui est proche comme Marine? Non, je pense même pas que ce soit la question, d'ailleurs, ni d'actualité, parce que okay. C'est lui qui fédère les diverses tendances du mouvement. Mm-hmm. C'est sûr que maintenant, quand il y a un échec, on réfléchit aux erreurs qui ont été commises, aux responsabilités. Alors, il y a des analyses à faire qui peuvent être de bonne foi, puis d'autres qui sont plus de l'ordre des règlements de compte personnels, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait un peu sous-estimé la capacité de Sarkozy à aller nous piquer notre électorat, quoi. C'est-à-dire que moi, je pensais que les gens comprenaient plus immédiatement que Sarkozy était un faussaire, quoi. Qu'il n'était pas crédible quand il se prétendait le candidat des patriotes. Alors malheureusement, les électeurs ont eu envie d'y croire. Et ils sont sortis encore plus forts, Alain, cette année, je crois, parce que si on faisait une comparaison avec 2002, c'est bien ça, le résultat de nombre d'individus qui sont allés voter, c'est assez extraordinaire, pareil, pour... Oui, il y a eu une énorme progression en termes de votants, puisque la dernière fois, il faut dire que la dernière fois, Le Pen a été au deuxième tour, ça a constitué un petit miracle. Oui. Parce que les bobos ne sont pas allés voter... ont oublié d'aller voter ou ont voté pour des petits candidats, et du coup c'est Jospin qui a sauté, quoi. Hein? Et oui. En fait, ce coup-ci, bah, ils se sont tous mobilisés pour aller voter, ce qui fait que la barre était beaucoup plus haute, hein, pour passer. Il n'y a rien à regretter, parce que Le Pen aurait pu faire... Nous, on espérait qu'il fasse un petit peu plus de 20, par exemple, mais même en faisant un petit peu plus de 20, il n'était pas au deuxième tour. Hein. Pour être au deuxième tour, il fallait être au-dessus de 25. Et être au-dessus de 25 avec plusieurs millions d'électeurs en plus, quoi. Il y a eu plus de 10% d'électeurs en plus. C'était un saut qualitatif qui était pratiquement inatteignable. Donc, il n'y a pas grand-chose à regretter. Ce qui est triste, c'est qu'on voit en France se mettre en place une conscience citoyenne de pur consommateur à l'américaine. Et ce qui est très inquiétant, c'est le travail de destruction des médias, de la télé, etc., sur la conscience citoyenne française. Et moi, j'ai le sentiment très précis que le niveau baisse. C'est-à-dire qu'on a deux candidats en finale, qui sont deux candidats totalement médiatiques, et qui sont quand même politiquement de très mauvaise qualité. Hein. Je veux dire, Ségolène est... Alors là, c'est inouï, parce que c'est pratiquement une hôtesse débile, quoi. Je veux dire, c'est peur d'ailleurs à beaucoup de gens. Et Sarkozy, c'est ouvertement un candidat américain, quoi. Je veux dire, qui est là pour achever de soumettre la France aux puissances étrangères, et pour continuer une politique que les Français ont refusée. Lors de la Constitution, ils ont mis en finale deux candidats du oui, Et quand on voit que Sarkozy a réussi à capter l'électorat de Le Pen, enfin, on va dire la, oui, 10% de l'électorat de Le Pen, puisque si Sarkozy est à 30 et que Le Pen est à 10, c'est strictement des bases communicants. Hein. Oui, exactement. Si Le Pen était à 20, Sarkozy serait à 20. Et que les Français aient réussi à croire au baratin de Sarkozy qui est européiste, atlantiste, sioniste, ultralibéral, alors que les Français avaient refusé tout ça en refusant la Constitution européenne, c'est inouï. Comment dirais-je, comme les élections se sont jouées sur des choses, sur de l'affectif, sur du psychologique, sur des mots, et non pas sur une lucidité des fondamentaux de la politique qui sont le positionnement économique, géopolitique. Et ça, c'est très inquiétant parce que pour moi, c'est pas un vote de citoyen, c'est un vote de consommateur, c'est un vote de spectateur. C'est un peu on va dire, c'est le triomphe de Star Academy, tu vois, du monde de la télévision qui a enfin pris le contrôle du monde politique, ce qui en France n'était pas. À ce point-là, c'est vraiment les médias qui ont fait, dans le fond, tu es en train de me dire que c'est les médias qui ont fait la campagne à la place. Bien sûr. Okay. La campagne, si tu. Parce que bon, toi, t'es un peu loin, mais oui, la campagne présidentielle cette année a eu droit à une médiatisation des deux candidats principaux, inouïe en termes d'argent, de matraquage, au niveau de la télé, mais des médias comme la presse écrite, les hebdomadaires, etc. Ils nous ont vendu le duel Sarkozy-Ségolène depuis déjà plus d'un an comme une obligation. Et quand il y a eu une lassitude des Français, ils ont senti qu'il y avait une lassitude de cette bipolarité. Ils ont créé Bayrou de toutes pièces, qui est quand même c'est un mulet qu'on essaie de faire passer pour un pur sang arabe. Je veux dire, c'est une truffe. Hein. Ils l'ont fabriqué comme troisième homme, candidat du centre, etc. Et ce qui est inouï, c'est qu'ils ont réussi à l'amener à 18%. C'est là qu'on voit que le système politico-médiatico-financier, qui a fait un énorme travail pour reprendre le contrôle de la situation après le mauvais vote des Français au référendum, ont réussi leur coup. C'est-à-dire que ils ont réussi à contrôler le cerveau des électeurs, quoi. Et ça, c'est très inquiétant sur le plan démocratique pour moi. Et c'est inquiétant parce que je pensais qu'il y avait en France une exception française et un peuple encore lucide et capable de se rebeller, ce qui était le constat qu'on avait fait pour le vote du référendum. Et ce coup-ci, ça n'a pas été le cas. Alors, ceci dit, les Français, c'est un peuple étrange. Hein. C'est comme en rugby. Ils font un match génial, ils battent les All Blacks, et le match d'après, ils font une énorme connerie et ils se font sortir par le Canada, tu vois. Oui, oui. C'est le cas de dire. Ils sont incapables de jouer deux fois un match génial. Donc, peut-être qu'ils vont nous réserver une bonne surprise bientôt, tu vois. Oui. Je suis d'accord, mais moi, Bayrou, c'est ça, je l'ai vu, comme tu me l'expliques, je l'ai vu vraiment comme un gars qui est un chien dans un jeu de quilles, expression québécoise. On a amené un gars comme ça, pouf, par hasard, oh, bang, magie, il apparaît comme oui, ça. Il y avait une raison, c'était qu'il occupe, si tu veux, le rôle du troisième homme pour empêcher Le Pen de l'occuper. C'est-à-dire que toute la campagne a été faite intégralement dès le début contre Le Pen. Tu vois, c'est ça qui est inouï, c'est-à-dire que tout le système, avec toute sa puissance, s'est organisé pour détruire Le Pen par tous les moyens, en l'asphyxiant complètement, et ils y sont quand même relativement arrivés. Et là, je tiens, moi, à féliciter, à remercier les 10,5% de lecteurs qui ont quand même voté Le Pen. Il t'écoute, Alain. Courageux pour le faire. Hein. Il t'écoute, ces 10%. T'inquiète. Il t'écoute, ces 10,5%, ici, et ça, c'est sûr. Et n'oublions pas que cette espèce de volonté qu'a eu le système, je l'ai raconté tout ça dans une interview que j'ai donnée à un petit hebdomadaire qui s'appelle Rivarol, où j'ai fait cette analyse d'ailleurs, qui, si les gens la lisent, elle est sur mon site internet, ils verront que je reniflais des choses, parce que je disais qu'on allait vers une dictature orwellienne et que c'était la dernière fois que les Français pourraient voter pour un candidat un peu indépendant et à l'ancienne qui était Le Pen, et qu'ils auraient plus jamais cette chance, qu'il fallait qu'ils la saisissent. Donc j'avais une petite inquiétude, mais ce piège orwellien là, c'est malheureusement très très bien fonctionné. La seule chose qui peut être rassurante, c'est que Sarkozy a fait 31% entièrement sur les thèmes du Front National, et il est parti d'une candidature qui était atlantiste, libérale et communautaire. Et quand il a vu que ce n'est pas ce que les Français voulaient, il a systématiquement copié le discours de Le Pen jusqu'à aller copier les discours de Le Pen, parce qu'il a copié à Périgueux le discours de Valmy, et il a terminé sur la ligne qui était la nôtre, sur une ligne nationale républicaine. C'est-à-dire qu'il a systématiquement copié Le Pen pour dire « avec moi, vous aurez Le Pen sans Le Pen », comme une multinationale qui copie le produit d'une PME et qui lui pique son marché, quoi, à cause de sa puissance économique. Donc c'est rassurant sur ce plan-là, c'est que Sarkozy, pour l'instant, est en tête sur les idées du Front National. Malheureusement, là où on peut être très inquiet, c'est que les Français puissent croire que Sarkozy va appliquer les idées nationales républicaines de Le Pen, c'est d'une naïveté inouïe, car il est strictement tout le contraire. Et c'est là où nous avons échoué. On n'a pas été capable de faire comprendre aux électeurs français qui ont voté Sarkozy comme un espèce de vote utile, ils ont fait un vote utile le péniste dès le premier tour, qu'ils auraient tout le contraire avec Sarkozy. Quoi. Sarkozy, d'ailleurs, je crois que Sarkozy l'a déclaré, il a dit je les ai tous niqués. Quoi. Et il nous a bien niqués, oui. Mais combien de temps ça peut durer tout ça, je pense qu'il n'y a pas de... On n'est pas obligé de désespérer, je pense que... Il y a plusieurs personnes, Alain, qui nous disent que le Front National a quand même eu la même couverture aussi, de votre côté, à peu près la même couverture que, par exemple, l'UMP ou encore le Parti Socialiste. Ouais, ça, c'est les gens qui sont un peu naïfs, ils ne se rendent pas compte qu'aucune information sérieuse qu'on a essayé de faire passer sur Sarkozy, on n'a jamais réussi à les faire passer, il y a quand même un contrôle. C'est-à-dire que Marine Le Pen était invitée dans les médias, mais quand tu es invité dans les médias, c'est comme un acteur qui joue dans un film, c'est pas toi qui fais la mise en scène, c'est pas toi qui poses les questions, c'est-à-dire qu'on te contrôle. Ouais. Donc à la limite, être dans les médias, c'est être soumis aux médias, tu vois. Ouais. Et le Front National n'a pas eu les moyens par lui-même de faire une campagne de terrain qui aurait pu compenser la puissance médiatique, parce qu'il aurait fallu pour ça des centaines de milliers de militants en permanence qui montent dans les immeubles, qui vont parler aux gens dans les appartements, tu vois, je veux dire. Et ça, le Front National n'a pas cet appareil militant en ce moment, c'est ça qui manque, hein, sans doute, hein. Mais il ne faut pas croire qu'il suffit d'être dans les médias pour qu'il y ait une égalité de traitement, car quand Le Pen est invité dans les médias par un journaliste face à un autre candidat, le journaliste ne traite pas Le Pen de manière loyale. C'est systématiquement si on balançait à Sarkozy toutes les casseroles qu'il a depuis Tchernobyl jusqu'à l'affaire de Cachan jusqu'aux émeutes en banlieue, en pensant par les coups et blessures sur une personne proche de lui pour pas risquer de procès en diffamation, oui. Il y avait moyen de le détruire, hein, et ça ne passe pas, alors que sur Le Pen on va lui ressortir systématiquement le point de détail, son patrimoine immobilier, vous voyez, c'est là où il y a le piège des médias. Et on le fait du côté par exemple de Ségolène Royal, si on un peu parler de ses biens immobiliers, si on le fait durant la campagne, hein, oui, un petit peu, mais Ségolène elle peut pas dire que à la limite, la gauche a voté massivement pour Ségolène dans un espèce de sursaut de survie contre Sarkozy. Elle a fait un score très important, et bien que tout le monde privé admette qu'elle est très médiocre, tu vois. C'est-à-dire qu'elle a eu une réaction corporatiste du monde des fonctionnaires, en gros, ou des rentiers de la gauche qui se sont dit qu'il faut absolument qu'on sauve notre camp et notre rente par rapport à un candidat libéral qui va nous flinguer nos acquis. C'est-à-dire que les ségolénistes se sont mobilisés comme la droite sarkozyste s'est mobilisée. Et en réalité, ce que je voulais dire, c'est que les médias nous ont imposé un deuxième tour direct et ils y sont arrivés, parce que quand on parle du Front National qui est tombé à 10,5 et qui était à pratiquement 17 avant, c'est évidemment c'est une chute, mais on ne parle pas que tous les candidats à gauche de la gauche ont été laminés, tu vois, à part Besancenot qui est fier d'avoir fait 4,5. Et à 4,5, t'es même pas remboursé de tes frais de campagne. Donc moi, j'aimerais bien savoir à un moment donné d'où vient l'argent de la FCR, parce qu'ils ne seront pas remboursés de leurs frais de campagne. Les autres candidats écologistes, Beauvais, Parti communiste à 1,9, en dessous de 2, je sais pas si tu vois. Oui. Tous les partis sont laminés, à part les deux gros, et Bayrou qui tire son épingle du jeu, puisque effectivement, les médias ont réussi à en faire le troisième homme, et effectivement, il y a 18. Et ce qui est très inquiétant, c'est que les Français qui voulaient qu'on sorte un peu du système et qui en avaient marre, créent une situation qui est ultra, qui est une caricature du système depuis 30 ans, c'est-à-dire le candidat socialiste dans toute sa pesanteur, un candidat de droite, tu vois, le petit Sarko, et un espèce de centriste qui fait l'arbitre. Et maintenant, là où on va rigoler, les tractations du deuxième tour et celui qui va gagner, le gouvernement qui va nous présenter. On va voir, c'est le bal des vampires, on va voir ressortir tous les chevaux de retour des gamellards de la 5e République. Or, les Français veulent du changement, ils vont vite comprendre qu'il n'y a aucun changement. Quoi. Je veux dire, comment on peut dire que Sarkozy, Alain, est vraiment de droite? Pourquoi on dit que Sarkozy est un homme de droite quand pourtant, à son discours qu'il a fait lorsque les votes ont été donnés, et que ça le nommait premier avec 29,5, si je ne me trompe, ou 31, c'est ça. Hein. J'ai trouvé spécial que le gars parle d'aider les handicapés, les pauvres. Ben, bref, il était prêt à aider tout le monde. Hein, parce que tu sais pourquoi? Bah, oui. Parce que comme il a fait une campagne de premier tour très à droite, maintenant il faut qu'il aille chercher les électeurs qui lui manquent au okay. centre. Ouais. Donc maintenant il est obligé de faire un deuxième tour à gauche, entre guillemets, parce que oui. Avec les voix de Devilliers, ça va lui faire 2,5. Il aura 2,5 de Devilliers. Les voix de Le Pen, sur 10,5% de Le Pen, il en aura à peine 5. Hein. Il y aura à peine, sans faire de... d'études statistiques, il n'y a pas un électeur de Le Pen sur deux qui votera pour lui. Hein. Tu vois, je veux dire... J'espère bien. Donc, ça fait 5. Je veux dire, il faut qu'il aille à plus de 50. Hein. Donc, maintenant, il est obligé de faire un deuxième tour à gauche, tu vois, entre guillemets, pour aller chercher les voix de Bérou, tu vois. Okay. Donc, okay. maintenant, tu vas le voir se béroutiser, maintenant, tu vois. c'est bon. Oui, c'est de... Ouais. C'est de la politique, c'est de la cuisine, tout ça. C'est pour ça que nous, on était sur un espoir avec Le Pen d'un vrai changement, d'un homme politique avec une stature qui rassemble sur l'idée de la nation. On a fait une campagne, nous, qui était inattaquable sur le plan de l'éthique, soit de l'honnêteté et de l'espoir, tu vois, de sauver la France de la merde. Et on n'a pas gagné. Bon, ben, ça prouve que le système médiatico-politico-financier est très puissant, et que les Français, effectivement, sont fragilisés par ce matraquage, malheureusement... on subit une espèce de décadence des peuples comme il y a dans toutes les démocraties occidentales. Ben, on n'est pas encore au niveau des Américains, mais malheureusement... Ben malheureusement, mais je te dirais, quitte à prendre entre choisir entre une cruche ou encore entre un nain de jardin, je préfère le nain de jardin Sarko. J'en sais rien, parce que, à la limite, moi, mon espoir, c'est que de toute façon, ces gens-là n'arrivent pas à gouverner, et que rien n'est réglé, c'est-à-dire qu'à mon avis, moi j'ai dit que la France, de toute façon, allait péter, allait vers une crise très grave d'ici 2 ans, mais oui. De toute façon, rien ne va changer, ils vont faire la même politique qu'avant, ils ont gagné contre le candidat qui voulait changer de politique, radicalement, et ils sont là, c'est une arnaque, tu veux, ils ont fait c'est un hold-up, là, donc que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, ça ne va pas être très différent. Ils sont tous européistes, atlantistes, plus ou moins discrètement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Sarkozy, pour moi, est beaucoup plus dangereux. Toi, ça te gêne moins, mais sur la politique étrangère, lui, il est vraiment sur la ligne des néoconservateurs américains, et c'est pas très bon. C'est pas très bon pour la France, pour le... Ok, bon, c'est pas bon, hein. Ségolène est sur des positions, en réalité, plus classiques, c'est-à-dire que Ségolène, ouais. c'est l'immobilisme français... Mais elle est nulle, Alain, tu peux pas choisir une candidate qui est complètement ratée comme elle. Oui, mais c'est pas elle qui gouvernera. Oui, je suis d'accord, non, ça, c'est vrai. On sait tous que... À la limite, si on veut que ça pète, avec les deux, ça pètera pour des raisons différentes. Elle, parce qu'elle est incompétente et qu'elle risque de faire n'importe quoi. Exactement. Parce qu'elle est assez difficilement contrôlable, donc elle peut avoir des lubies. Ça peut être d'ailleurs assez drôle, on peut imaginer oui. des choses. Ça peut être de l'humour. Assez surréaliste. Elle est capable d'imaginer des trucs assez effrayants, tu vois. Ça peut être un grand spectacle d'humour. Ce qui est dangereux, c'est que moi qui suis français, qui suis pour l'indépendance de la France, oui. Sarkozy, c'est un petit Bush, quoi. Hein. Il est là pour nous soumettre aux puissances étrangères et à l'axe américano-sioniste, ça, c'est certain. Hein. Bah allez, c'est parfait. C'est vive le power américain. Et moi, bon, de ce point de vue-là, est-ce que je dois choisir entre la peste et le choléra? Je sais pas. la peste et le choléra. Allez, prends la peste. Le choléra, c'est plus dommage. Le prochain, j'aille à la pêche, si tu veux. Hein. Enfin, dimanche dans 15 jours. Quoi. Okay. Je vois pas très bien. Mais bon, à la limite, les Français... ont voulu un de ces deux-là, et ben ils en auront un des deux, c'est sûr qu'ils le méritent. Hein. Je veux dire, après, on va voir ce qui va se passer. Mais moi, je suis pas inquiet pour le Front National, parce que je crois que les gens qui ont voté Sarkozy, puisque la fuite s'est faite vers Sarkozy, hein, vers Bérou, il n'y a pas eu. Hein, le Front est à 10 parce que Sarkozy est à 30, sinon ça serait 20-20 si on était dans une logique Chirac-Le Pen. Oui. Bon, ben, les 10% de gens du Front qui sont allés voter Sarkozy comme vote utile au premier tour, en pensant que Sarkozy allait appliquer le programme de Le Pen, puisque c'est ce qu'il a promis, en gros, hein, pendant toute la campagne, oui. ces gens-là vont déchanter très vite et ils reviendront. Hein. Je ne suis pas très inquiet. Et le problème, c'est si Sarkozy est élu, combien de temps les Français vont mettre à comprendre qu'il les a roulés, et puis surtout, quand une fois que quelqu'un a pris le contrôle de l'appareil d'État, effectivement, c'est inquiétant, parce que c'est lui qui a le pouvoir. Quoi. Donc, est-ce qu'il faut jouer à ce jeu-là? De se dire il faut que Sarkozy soit élu pour que les Français comprennent, donc je suis assez perplexe, moi, tu vois, c'est-à-dire que nous, ce qu'on doit faire, c'est continuer à faire passer notre message, entre guillemets, à organiser la résistance, à faire de la pédagogie, à essayer de faire comprendre aux Français, surtout aux jeunes générations, ce qui se joue. Parce que le vrai travail qui reste à faire pour quelqu'un qui s'intéresse à la politique, c'est de la pédagogie, pour que les gens comprennent les vrais enjeux. Parce que combien de gens ont voté dans cette élection en conscience, en comprenant pour qui ils votaient et ce qu'il y avait derrière? C'est la vraie question de la démocratie aujourd'hui. Est-ce que les gens comprennent pour qui ils votent et pourquoi? Souvent, ils votent pour des raisons complètement psychologique, aléatoire, tu vois, parce que il y en a un qui est plus gentil, un plus méchant, plus grand, plus petit. Enfin, c'est ça qui est inquiétant dans la démocratie du plus grand nombre. Je pense que beaucoup de gens qui ont voté pour Sarkozy se sont fait arnaquer, quoi. Mais on n'a pas été capable de leur faire comprendre. Et ça, c'est le vrai problème. Mais je pense pas que si les gens savaient vraiment qui est Sarkozy et quel est son projet, je pense pas qu'il aurait fait 31%. Allez, on va s'éloigner un petit peu du sujet initial. Des gens de la Belgique nous écoutent et nous demandent que penses-tu du Front National en Belgique, voilà. Je sais pas, je connais pas très bien le Front National. Ça n'a aucun lien avec Jean-Marie Le Pen du tout? Je crois pas, non, il n'y a aucun lien. Ok. Le Front National belge n'est pas une succursale du Front National français. C'est ce que la personne se demandait quelque part, s'il y avait non, des... Ils ont le même nom, mais absolument, ils n'ont pas de lien organique, hein, donc okay. Je ne connais pas du tout. Autre question concernant Jean-Marie Le Pen. Toi, là, tu ne penses pas qu'il devrait laisser sa place suite à la déconfiture, parce que c'est une déconfiture, là, 10,5, ça fait mal au cœur. Et Dieu sait qu'il a déjà eu 17, c'est bien ça, 17 quelque chose C'est la dernière fois, c'était miraculeux qu'il ait 17 la dernière fois, et c'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses, c'est que dans un pays, si tu veux, où le système dominant a imposé deux grands partis et deux candidats surmédiatisés, et puis là ils ont fabriqué des roues, oui. Que le Front National soit quand même à 10, alors que le Parti communiste est à 1,9, les écologistes à 1,5, Beauvais, Lutte ouvrière, ils sont à 1,5. Enfin, faut voir que le Front National, finalement, est aujourd'hui le quatrième parti, quoi, hein. Et Bayrou, je ne suis pas sûr que ça va durer très longtemps. Parce que comme Bayrou ne veut passer aucun accord ni avec l'UMP ni avec le PS pour essayer de se faire un groupe parlementaire à lui, il peut réussir comme échouer. C'est-à-dire que Bayrou, c'est qui tout double, hein. Il peut retomber à 10 ou 8 très vite si l'UMP et le PS se mettent d'accord pour le flinguer, hein. Parce que comme il va aller ni avec l'un ni avec l'autre, parce qu'il veut devenir le vrai parti d'opposition centriste, il veut jouer la carte de la présidentielle 2012, et lui ce qu'il veut c'est un groupe parlementaire, là, hein. Les législatives sont dans un mois. Bayrou peut très bien rater son coup, retomber à un niveau qui était le sien avant, parce qu'il était à 6,5 avant, hein. Et le Front National redevient ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire le premier grand parti d'opposition réel et le troisième parti de France face aux deux mastodontes de la fausse gauche et de la vraie droite, ou tu peux dire de la fausse droite et de la vraie gauche, j'en sais rien, c'est comme on veut. C'est plutôt ça la réalité. Le Front National n'est pas du tout écroulé, hein. C'est quand même il a quand même fait plus de 4 millions d'électeurs, c'est pas rien, tu vois. Parce que le mouvement qui est en voie de disparition, on le cache dans cette élection parce que on a été étonné effectivement du mauvais score du Front. Le mouvement qui est en train de disparaître, et ce qui est beaucoup plus important, c'est le Parti communiste français. Le Parti communiste français, qui est quand même soutenu par les médias, qui est dans le système, qui a bénéficié d'une couverture médiatique à peu près égale à celle du Front, ils sont en dessous de 2%, c'est-à-dire qu'ils ont pratiquement disparu. Ils sont n'importe quel groupuscule d'extrême gauche, Besancenot, le rigolo, là, le faux révolutionnaire Potier, fait 4,5, c'est-à-dire qu'il fait plus de deux fois le score du Parti communiste français. C'est le vrai événement de ces élections, c'est la disparition du Parti communiste français. Je m'en réjouis pas spécialement, hein, d'ailleurs. Hein. Non, mais c'est pas le mec qui a une tête... Le Front National n'est pas en voie de disparition. Mais c'est pas le mec qui a une tête en forme de citrouille. Sur l'électorat du Front, voilà. Ok. Revenons sur Jean-Marie Le Pen. Ne devrait-il pas, à l'âge de 78 ans, peut-être, donner les rênes à sa fille, Marine Le Pen, qui ne fera pas les mêmes erreurs que son père, par exemple, à certaines sorties, telles que, je ne sais pas moi, les attentats du 11 septembre 2001, que c'était un incident. Ouais, je pense pas que l'élection soit jouée là-dessus. Attention, tu sais que tu vas être d'accord que tout ce qu'un chef peut dire peut être retenu contre lui en n'importe quel temps. Oui, enfin, de toute façon, c'est sûr que... Et tu l'as dit tout à l'heure aussi, les Français sont en train de s'américaniser de plus en plus. Ça, c'est vrai. Ça fait longtemps que c'est... Non, mais, je veux dire, si Marine s'était présentée à la place de son père à ces élections, Je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Non, mais c'est drôle, j'ai l'impression du contraire. J'ai l'impression même qu'elle aurait peut-être clenché, elle aurait battu, j'ai l'impression... mais c'est sûr, je spécule, Alain, tu vas peut-être dire que... Bon, c'est facile de dire ça maintenant, mais j'ai une impression qu'elle aurait pu très bien challenger, si tu comprends. Elle aurait pu challenger Ségolène Royal, tu penses pas? J'en sais rien, écoute. Moi, je trouve que Le Pen a fait une très bonne campagne et qu'il a peut-être fait la meilleure campagne qu'il a jamais fait. Il n'a jamais été aussi bon. Oui, mais là, t'as pris parti. T'as un pris parti, là. C'est... Non, non, moi, j'ai vu les émissions qu'il a faites, les grandes émissions sur TF1. Oui. C'est des émissions que tu réussis ou que tu rates. Oui. Et il a été à chaque fois très bon, même de l'avis des médias. Il était très bon, très à l'aise. Et répondait très bien. Je pense que ça ne t'est pas joué à ça. Je pense que, avant, on avait un homme qui représentait la droite officielle qui était Chirac, qui refusait d'aller sur le terrain du front et qui donc laissait tout l'espace libre au désir de patriotisme, au problème de lutte contre l'immigration. Sarkozy, qui est l'héritier de cette droite officielle, est venu sur le terrain du Front National et a repris tous les slogans du front. Donc il a asséché le terrain. Il a eu, stratégiquement, il a très bien joué. Et là-dessus, il n'y avait pas grand-chose à faire. Quand une multinationale qui décide de vendre le même produit qu'une PME, avec en plus la pub, tu vois, tout le réseau de distribution derrière, il te pique ton marché, même si ton produit est excellent, tu vois. Oui. Et en fait, mais le problème, c'est que Sarkozy n'est pas une copie de Le Pen sur le plan de sa volonté politique. Il a juste copié un discours. Il a réussi à abuser les Français en faisant croire qu'il allait faire le programme de Le Pen. Et là, c'est pour ça que les Français ont voté pour lui. En réalité, là où Le Pen a raison, c'est que cette présidentielle est une victoire idéologique du Front National, car tous les thèmes de la campagne et des trois grands candidats qui ont gagné, c'est-à-dire Bayrou, Ségolène et Sarkozy, se sont faits sur des thèmes du Front National. Sarkozy a parlé systématiquement du système d'argent, du système médiatico-financier. Il a attaqué systématiquement le système médiatico-financier dans ses prestations. C'est un des thèmes du Front National. Moi, j'ai des gens qui ont voté. Toute sa campagne sur l'immigration. Alain, il y a des gens qui ont voté pour le Front National là, qui écoutent en ce moment. Et on se fait envoyer des milliers de mails qui nous disent. C'est vrai, Marine Le Pen aurait peut-être eu encore plus de chance, serait peut-être allée chercher, parce que faut pas se le cacher, le Jean-Marie Le Pen, il a un visage qui est dur, un homme d'acier, c'est quelqu'un à 78 ans qui est très bien articulé, j'admire un peu le côté du monsieur qui est capable de puncher aussi bien que Sarko et Ségolène. Attention là, j'ai rien à enlever, mis à part que je ne partage pas les mêmes idées que Jean-Marie Le Pen. Alain, je peux pas dire que ce gars-là c'est un con. Non, bien au contraire, il est très brillant, il est intelligent, il sait quoi dire et quoi placer au bon moment pour faire sa campagne. Et il n'en a pas fait une si mauvaise, sauf que par moment, durant la campagne, il a peut-être fait des faux pas qui l'ont amené vers un précipice. Et que dire de... Ça s'est pas joué à ça. Moi, je pense que ça s'est pas joué là-dessus. Parce que Sarkozy a fait beaucoup d'erreurs aussi, des faux pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les gens se foutent de ce genre de trucs. Quand vous avez Sarkozy qui dit aux électeurs... Les Français, en fait, il y a un virage à droite en France. C'est évident. La gauche, aujourd'hui, pèse 36%. Tu vois, c'est-à-dire que le rapport gauche-droite en France est énormément favorable à la droite en termes d'idéologie. On voit bien que même Ségolène a fait une campagne de droite. Elle a parlé du drapeau français, du patriotisme, de l'ordre juste, c'est-à-dire que l'ordre, la sécurité, l'immigration ont été des thèmes de campagne pour tous les candidats. En réalité, les trois candidats les plus importants ont fait campagne sur les thèmes du Front National. Ils ont piqué le fonds de commerce du Front National. Donc déjà, ça c'est un gros problème qui fait déjà que tu perds des électeurs, puisque ces candidats majoritaires viennent sur ton secteur et disent oui, nous aussi on va le faire. Donc les Français, qui sont quand même pas des révolutionnaires et pas des gens très courageux, quand un candidat du système adoubé par toutes les instances mondiales, etc., disent on va faire la même chose que le Front National, ils votent pour celui-là, parce qu'on sait très bien que voter pour Le Pen, c'est l'aventure. C'est un candidat qui est marginalisé depuis toujours, qui s'en souffre. Ils se sont dit comment le monde va réagir, comment les États-Unis vont réagir. On va peut-être se faire isoler. Ils ont eu la trouille et ils ont eu d'autant plus. Donc ils se sont soumis à une offre qu'ils avaient très envie de croire. C'est-à-dire que quand Sarkozy, qui est le candidat adoubé par l'ancien président, par toutes les instances mondiales, George Bush, etc., dit je vais faire le programme de Le Pen, les Français se disent ah ben, ça tombe bien, il y a le candidat du système qui veut bien faire le programme de Le Pen, on va voter pour lui. Mais tu crois pas que ce piège-là, il n'y avait aucune solution pour s'en sortir. Tu crois pas qu'on devrait rajeunir l'image du FN, par exemple? Oui, parce que, bien sûr. Maintenant, il faut penser, c'est un autre sujet, il faut penser à la mutation du Front National. Ben, voilà. Car moi, je suis sûr qu'il n'y a pas eu de fraude stratégique sur le du Front National. Le Front National, s'il veut être un parti d'avenir, doit se régénérer. On ne pourra pas exister demain en s'appuyant sur les cathos traditionnalistes, pour qui j'ai un très grand respect, et sur les skinheads, tu vois ce que je veux dire. Avec ça, on retourne à 2%. Donc il faut la mutation que Marine a entamée, avec l'accord de Jean-Marie, parce qu'il n'y a pas de distinction, ils sont sur la même ligne, qui a consisté à tendre la main à quelqu'un comme moi qui vient de la gauche, à tendre la main à Dieudonné et aux gens des banlieues, sur une ligne d'ailleurs de républicaine et patriote. Cette ligne-là est la ligne d'avenir. Elle est la ligne qui peut faire venir des jeunes. Et en plus, sur des valeurs qui sont saines. Alors, forcément, c'est stratégiquement nécessaire, mais c'est moralement sain. Parce que moi, faire une campagne en disant on va rejeter les Arabes à la mer, etc., etc., okay. D'abord, cette campagne, c'est celle qui a fait Villiers, et c'est celle qui avait fait Maigret avant. Villiers a fait 2,5. Donc, les gens du Front, par exemple, qui disent qui sont pas contents et qui disent on aurait dû faire une campagne plus à droite, la campagne plus à droite, c'est celle de Villiers. Là, on n'aurait pas fait 10,5, on aurait fait 5. Hein, parce qu'en réalité, il n'y a pas... Mais il y a quand même 1 million de personnes qui n'ont pas donné leur vote au Front National. Oui, parce qu'ils l'ont voté à Sarkozy. Ils l'ont donné à Sarkozy. Ils l'ont donné à Sarkozy sur les idées du Front National, parce que Sarkozy leur a fait les mêmes propositions. C'est ce que je te dis depuis le début. Et Sarkozy j'ai très bien compris. En fin de campagne, strictement national-républicain. C'est-à-dire qu'il a strictement copié la ligne du Front de Valmy. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là-dessus, on a subi un hold-up. Mais sur nos idées, c'est ça que je veux dire, on n'a pas été désavoués sur les idées. Simplement, les Français ont dit on va voter pour Sarkozy parce qu'il va faire le programme du Front, alors que si on vote pour le Front National au premier tour, Alain, pourquoi Le Pen ne peut pas gagner, on va faire élire Ségolène. Alain, pourquoi prendrais... Regarde, je t'envoie la balle, pourquoi ne prendrais-tu pas la place de Jean-Marie Le Pen? Qui ça? Toi. Moi? Et parce qu'il y a une histoire du Front National, que moi, j'arrive de l'extérieur, je suis un écrivain... c'est un avenir, mais ça se fait pas. J'arrive pas comme ça. Hop, donnez-moi le boulot. Ça marche pas comme ça. T'aimerais même pas essayer, d'essayer le coup, je sais pas. Non, mais ce qui est sûr, c'est que là, le Front National doit continuer sa rénovation, sa modernisation, ce qui veut pas dire d'ailleurs de renoncer à ses fondamentaux. Oui. C'est-à-dire de faire passer l'idée du patriotisme à des jeunes générations dont la vision du monde n'est pas basée sur la guerre de 39-45 ou la décolonisation. Oui, exact. Tu vois, c'est-à-dire il faut transmettre le flambeau du patriotisme. Ben, c'est drôle, Alain. J'ai l'impression que tu serais capable de remplacer Jean-Marie Le Pen, moi, avec la gueule que t'as, avec le vocabulaire que t'as, avec la façon d'amener les choses. C'est très gentil, mais moi, il n'est pas question de le remplacer, il est question de l'aider. Il est question de l'aider, et je pense d'ailleurs avec son accord... De l'aider, ça peut-être de prendre sa position et que lui, justement, te guide un peu plus, je sais pas. Oui, mais tout ça, c'est demain, oui, mais je dis pas non. Chose qui pourrait te tenter? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? Ben moi, j'ai intérêt à continuer à faire de la politique, d'abord parce que maintenant que je me suis positionné pour le Front National dans sa version d'ailleurs moderniste. Oui. De toute façon, quoi qu'il arrive, le système me fermera, me laissera plus jamais revenir. Tu sais que le système est très dur en France. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es prononcé pour Le Pen, c'est pour ça que tu n'as jamais vu un homme célèbre. Même Brigitte Bardot dit qu'elle ne vote pas Le Pen. Tu vois, même Alain Delon dit qu'il ne vote pas Le Pen. Je ne vais pas te faire un dessin. Non, non, non. Parce que sinon, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant que je me suis assez courageusement, j'ose le dire, prononcé pour Le Pen pour ces élections, j'ai intérêt à continuer dans cette voie-là, parce que de toute façon, c'est un chemin sans retour, c'est ce que je veux dire. Oui. C'est comme l'enfer de Dante, hein. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir, tu vois. Exact. Donc je vais continuer, effectivement. Et d'ailleurs, Marine m'a dit l'autre jour, Alain, reste avec nous. Je lui ai dit, bien sûr, je reste avec vous. Je vais pas partir, je veux partir sous prétexte que les résultats n'ont pas été ceux que j'espérais, tu vois. Je crois que la ligne que Le Pen a choisie et que Marine a choisie est la bonne, parce que ceux qui pensent qu'il fallait faire une campagne d'extrême droite, eh ben on aurait fait un score d'extrême droite, c'est-à-dire on aurait fait entre 2,5 et 5, c'est ce qu'a fait Villiers, c'est ce qu'avait fait Maigret avant, donc il n'y a pas de critique à faire sur la ligne idéologique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le Front National a besoin de faire des adhésions, que des jeunes viennent au patriotisme. Des jeunes qui sont nés après les années 80 et qui doivent comprendre le patriotisme à travers leur vécu et en fonction de leur âge, et à qui on ne peut pas vendre le patriotisme sur des choses liées à l'ancien régime, à la guerre de 39-40 ou au problème de la guerre d'Algérie. Oui, je sais, tu te répètes. Il y a un travail à faire, et je pense que Le Pen est un homme politique très intelligent et il va nous y aider, et je pense que c'est ce que Marine va faire avec d'autres, et peut-être je vais aussi y participer. C'est effectivement. On me dit que tu avais quelque chose. Le patriotisme, oui. Pour le transmettre aux jeunes générations. On m'a dit, Alain, que tu avais été courtisé justement pour quelque chose de plus intéressant de ce que tu avais eu comme offre au départ, justement pour entrer dans la FN. Est-ce que c'est vrai? J'ai été courtisé à un moment donné par le parti de Devilliers et par le parti de Pasqua, à l'époque où il existait, oui. Ces deux partis-là m'avaient demandé de ne pas me présenter aux européennes sous leur bannière. Okay. Et en fait, j'avais refusé en disant que moi, de toute façon, je pensais que ces mouvements-là n'avaient pas d'avenir. Sur le mouvement de Pasqua, il a disparu, et sur celui de Devilliers, qui a choisi la ligne... on va dire d'extrême droite, on va dire identitaire, racialiste, là, il s'est planté complètement, parce que il faut pas aussi, tout le monde se focalise sur, entre guillemets, l'échec du Front National, parce que il ne rêvait que de ça, de mettre à terre le Front National qui avait été au deuxième tour la dernière fois, qui était une gifle incroyable. Le Front National au deuxième tour en 2002, c'est comme une équipe de football de 4e ou 5e division qui arrive en finale de la Coupe de France face à un club de première division qui joue la Coupe d'Europe, tu vois. C'est ça le rapport de force. C'était insupportable pour eux. Et depuis 5 ans, ils ont tout mis en œuvre pour que ça n'arrive pas deux fois. Et ils y sont arrivés. Donc je veux dire, il y a quelque chose d'héroïque même dans le fait que le Front National existe, soit à 10,5 et fait une belle campagne. Villiers, lui, il est à 2,5, hein, je veux dire, n'oublie pas ça. Alors qu'il pensait prendre la place du Front National aidé par l'UMP, car n'oublie pas que le Villiers est entièrement aidé par l'UMP, et sa mission que lui avait confiée Sarkozy, c'était de détruire le Front National et de prendre sa place. À un moment donné, le Front National était en position de ne pas avoir ses signatures. Il faut pas oublier tous les obstacles que le Front National a dû surmonter pour arriver même au premier tour de l'élection. Est-ce qu'on pourrait dire, Alain, que de la corruption? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a de la corruption, là, ici, là? De quoi? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a de la corruption? Il n'y a pas de la corruption, il y a une inégalité de traitement qui est inouïe. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que moi, je pense que Jean-Marie Le Pen mérite d'être président à vie du Front National, même si à un moment donné, il passe le flambeau à la jeunesse. Tu vois, à sa fille, à des gens comme moi, parce que ce type est un colosse d'avoir réussi à ce qu'un mouvement patriote traverse l'histoire de France pour être aujourd'hui, quand même, à mon avis, quand même on va dire le troisième mouvement politique de France, à peu près, en gros, si Bérou a fait une percée, malgré mai 68, malgré le gauchisme, c'est quand même. On lui doit ça, tu vois, sans Le Pen. Quand Le Pen a commencé en 72 ou 73, les idées qu'il incarnait représentaient moins de 1% de l'électorat, tu vois. On a quand même un mouvement qui oscille entre 10 et 20% selon les élections. 20% c'est la frange très haute, mais qui est atteignable et qui peut revenir très vite. Et même si c'est une défaite, le Front est quand même à 10,5%, tu vois, c'est quand même très très au-dessus des mouvements de gauche, d'extrême gauche, du PC, de lutte ouvrière, donc tout ça, Le Pen, c'est ça, quoi, tu vois. Donc moi, de toute façon, même si il transmettait le flambeau, je pense que c'est il doit rester dans la position du patriarche, quoi, tu vois. Juste pour être sûr là, de bien comprendre, t'as clairement dit de voter pour Ségolène Royal, c'est bien ça? Moi j'ai dit le soir des élections que j'avais voté pour Ségolène Royal parce que j'étais très agacé. Oui, t'étais sur le coup de la colère. Il a réussi son hold-up, si tu veux. T'étais sur le coup de la colère. C'était sur le coup de la colère. Moi peut-être que personnellement je pourrais aller voter Ségolène Royal parce que je viens de la gauche pour dire en gros je voulais faire battre le candidat le plus dangereux, qui était Sarkozy, le plus dangereux pour l'indépendance française. Parce que Ségolène Royal a quelques qualités, on va dire, inconscientes, c'est qu'elle est fille de militaires, de catholiques, et qui sont tous au Front National dans sa famille. Donc, à la limite, même si elle est la candidate du Parti Socialiste, elle a dans son programme, je ne sais pas comment, dans son disque dur, tu vois, dans son logiciel de base, des valeurs qui sont profondément des valeurs de la droite patriote, tu vois. Donc elle peut nous étonner comme présidente, tu vois ce que je veux dire, à la limite. Alors que Sarkozy, c'est, pour moi, c'est l'anti-français absolu, quoi. Il méprise la France, tu vois, c'est ça qui est abject. Pour moi, c'est l'ennemi de la c'est bon comme caricature. C'est comme que Jean-Patrick Bruel chantait les Amants de Saint-Jean, tu vois. C'est horrible pour moi, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a 2,5 millions de Français qui avaient acheté le disque. Et ça, c'était très inquiétant déjà pour moi. Et pour moi... Mais votons pour le moins pire des deux. Qui arrive à 31% sur des idées patriotiques, c'est exactement Patrick Bruel qui arrive à vendre 2,5 millions d'albums en chantant les Amants de Saint-Jean, tu vois. Mais tu peux, mais Alain, t'es d'accord avec moi, tu peux pas demander aux gens d'aller voter Ségolène quand on sait tous que c'est une cruche, D'ailleurs, je pense que Le Pen, je suis pas dans sa tête, mais ne donnera pas de consigne de vote. Il dira aux gens, faites ce que vous voulez. Et puis moi, quant à moi, je pense que beaucoup de gens du Front National iront à la pêche, hein, tout simplement, ou se promener, ou feront la sieste. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura une abstention. Une partie de gens qui sont un peu sur ma ligne, c'est-à-dire une ligne anti-atlantiste et anti-sioniste, iront voter Ségolène pour empêcher Sarkozy de prendre le pouvoir, parce que d'abord, on va avoir mal aux fesses, nous, hein, si Sarkozy prend le pouvoir. Hein. Il va nous punir, hein, faut pas oublier. Hein. Et oui. Et donc, il y a ça aussi, c'est empêcher notre pire ennemi d'attraper, de prendre la matraque pour nous battre, alors que Ségolène, je pense, on n'est pas ses ennemis prioritaires. Donc, il y a pas mal de gens qui sont sur une ligne, on va dire, anti-atlantiste, qui iront voter Ségolène, hein, pour des raisons tactiques. Et puis, il y a aussi, malheureusement, les idiots du Front National qui iront voter Sarkozy, qui, après les avoir bien sodomisés, iront lui faire une pipe. Ça, par contre, pour moi, c'est tragique. C'est-à-dire que je peux admettre que des gens du Front aillent voter Ségolène, je peux admettre que des gens du Front s'abstiennent, je peux même admettre que des gens du Front, pour des raisons machiavéliques, espèrent la victoire de Sarkozy pour que les Français comprennent à quel point ils se sont fait baiser. Mais moi, je ne vois pas un militant du Front honnête et authentique aller voter Sarkozy. C'est vraiment, moralement, c'est... On nous demande, Alain, pourquoi Maigret est resté sur la touche? Pourquoi Maigret est resté sur la touche? Oui. Bon, ça, c'est des problèmes qui me dépassent un peu. C'est lié aux séquelles qu'ont laissé la scission. C'est-à-dire que la scission a créé des haines terribles à l'intérieur de l'appareil du Front. Et ce qui fait que le retour de Maigret dans l'Union patriotique faisait revenir des gens au front qui s'étaient battus à mort avec d'autres gens qui eux étaient restés fidèles. Et à cause de cette guerre sanglante, il était très difficile que des gens reviennent physiquement faire la campagne dans les locaux du front alors que c'est des gens qui s'étaient battus à mort. Voilà. Et malheureusement, ça, on ne peut rien y faire. Hein. Est-ce que ça t'intéresse de travailler avec lui? Moi, j'ai aucun problème avec personne dans la mesure où les gens sont sur une ligne politique qui me paraît moralement saine et stratégiquement cohérente. Ben oui, tu parles ici, Alain, alors c'est pour ça. Comment? Tu parles ici, c'est pour ça. Non, mais parce que moi, je n'ai pas participé, je ne suis pas dans le Front National. Oui, oui. Et je n'ai pas participé à la guerre fratricide de la scission. Mais ceux qui y ont participé, je comprends que pour eux, c'est très difficile, tu vois. Il y a eu une guerre très dure au moment de la scission. Mais de toute façon, je ne pense pas que si Maigret était plus présent dans la campagne, ça changeait quoi que ce soit. Parce que Maigret représente pour les électeurs une ligne assez dure qui s'identifie à celle de Villiers, puisqu'à un moment donné, Maigret avait fait une campagne qui était assez proche de celle de Villiers. Il avait fait lui-même 2,5, je crois, tu vois, sur cette campagne, sur cette ligne-là. Oui. Je pense que les maigrettistes ont voté Le Pen, hein, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. On aurait très bien pu faire dans cette campagne si deux, trois choses avaient été mieux menées. Si on avait été plus capable d'attaquer Sarkozy plus systématiquement pour démontrer à quel point c'était un imposteur et qu'il n'était pas du tout la copie de Le Pen, si on avait été capable de mieux le faire, et bien au lieu de faire 10,5, on aurait peut-être fait 16 ou 17 compte tenu de la très forte participation. Parce que la forte participation était mauvaise pour nous, de toute façon. Les gens se sont mobilisés contre Le Pen. Le Pen avait fait son plein d'électeurs. Donc je pense qu'on aurait, au lieu de faire 10,5, on aurait pu faire 16-17. Mais de toute façon, on n'aurait pas été au deuxième tour. Pour être au deuxième tour, il fallait être au-dessus de 25. Donc de toute façon, il n'y a pas grand-chose à regretter sur le plan du deuxième tour. Hein. Il y a juste à être amer que les Français, électeurs du Front de la dernière fois, se soient laissés avoir par le baratin de Sarkozy. Parce que le problème qui explique ce qui s'est passé, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Le reste, c'est marginal. Maigret, pas Maigret, etc. Marine ou son père, c'est marginal. De toute façon, la barre de qualification du deuxième tour, c'était au-dessus de 25. Je veux dire, il était impossible pratiquement que le Front, qui avait déjà réussi à faire 17 la dernière fois, arrive à faire 25, plus de 25 ce coup-ci. C'était un bond en avant. Il aurait fallu pour ça que le système ait envie que Le Pen soit au deuxième tour. Et que d'un seul coup, le système traite Le Pen comme il a traité Bayrou, tu vois. Or, le système, tu vois très bien d'ailleurs là que leur rêve maintenant, c'est de, d'achever la bête qui est blessée, tu vois. Le système ne veut pas du Front National. C'est pour ça que même les gens qui pensaient que Sarkozy tendrait la main au front ou qu'il y aurait des accords, etc., c'est des bruits qui a fait courir la gauche pour nous faire du tort. Mais je veux dire, Sarkozy ne tendra jamais la main à l'appareil du Front National. Il ne le fera jamais, il n'a pas le droit de le faire. Ce qu'il fera, c'est de piquer les électeurs du Front National et même de piquer certains cadres, exactement comme en ce moment, il ne drague pas Bayrou. Il menace physiquement les cadres UDF que si jamais il ne se rallie pas à lui, il les tuera un par un, en gros. C'est ça qu'il fait. Mais il ne fait pas la stratégie que fait la gauche de draguer Bayrou. Lui, il menace, parce que c'est un homme... Oui, mais on sait tous que c'est Sarkozy. Il menace les cadres de l'UDF que si jamais il ne le rallie pas et qu'il ne l'aide pas à gagner, qu'il les punira. Oui, mais on sait tous que c'est Sarkozy qui a réussi à faire débloquer les 500 signatures pour Le Pen, là. Eh bien, c'est peut-être pour ça que Le Pen n'a pas pu l'attaquer autant qu'il aurait voulu, parce que le problème des signatures a gêné la stratégie du Front. Car quand tu veux, quand tu dois attaquer ton pire ennemi, qui est celui qui est ton rival, parce que ton pire ennemi, c'est celui qui est qui est sur ton segment de marché, tu vois ce que je veux dire. Oui. Quand tu veux attaquer cet homme-là, parce que moi, ma stratégie, chaque fois que j'ai participé au discours et ma dernière interview d'Henri Barrel, c'est tout sauf Sarkozy, c'est Sarkozy et l'ennemi, Sarkozy candidat de l'étranger, Sarkozy atlantiste, Sarkozy ultralibéral, Sarkozy sioniste. Moi, j'ai fait ce travail-là. Mais quand tu es à la recherche des signatures, que le système t'empêche de les avoir et que tu es obligé de ne pas trop attaquer le patron de l'UMP parce que sinon tu n'auras pas la signature des maires d'hiver droite, eh ben, ça t'affaiblit ta stratégie. Et c'est une des explications du fait qu'on n'a pas assez attaqué Sarkozy, c'est qu'on avait du mal à avoir les signatures. Et que pour avoir les signatures, il fallait ne pas trop attaquer Sarkozy, parce que chaque fois qu'on attaquait Sarkozy, on avait des promesses de signatures qui s'en allaient. Parce que les promesses de signatures, malheureusement, venaient beaucoup plus de la divers droite, de la démerde de droite et de divers droite que d'ailleurs. Et ça, c'est tous les handicaps que le Front National a dû surmonter pour déjà être présent dans la campagne. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent, si on prend une métaphore de footballistique, que le Front National est une équipe qui joue en division d'honneur, ou je sais pas quoi, ou en National 2, ou j'en sais rien, face à des équipes qui sont des équipes de niveau européen, tu vois ce que je veux dire, en termes de budget. Oui, tout à fait. Et le rapport de force, il est celui-là. Donc c'est déjà miraculeux que cette PME familiale qu'ils appellent le Front National, avec des gens de bonne volonté, tu vois, des petites gens qui se mobilisent, arrive à rivaliser et réussit à être au deuxième tour la dernière fois face à des multinationales. Et tu vois, les UMP sont des multinationales. J'ai une information qui me dit ici que justement le président du FN a dit que Le Pen n'était pas disposé à partir, mais que Le Pen pourrait avoir un successeur n'importe quand. Mais de toute façon, je pense que Le Pen va lui-même progressivement transmettre le flambeau à une nouvelle génération. Mais il faut quelqu'un. Mais il a dit qu'il faut quelqu'un de costaud. Le président, bien sûr, du FN a dit qu'il faut quelqu'un de costaud. De toute façon, moi, qui connais bien qui connaît maintenant pas mal l'appareil du Front. Oui. Le meilleur au Front National, c'est quand même Le Pen encore. Hein, je veux dire, même d'un point de vue, tu vois, du fonctionnement du cerveau. Mais je veux pas revenir. Je veux pas revenir là-dessus, Alain. Mais je pense que tu pourrais peut-être tenter ta chance, je te le répète, là. Bah écoute... je veux pas que tu me trouves insistant, là, mais je sais pas... Bah écoute, c'est simple, vous envoyez massivement des courriers à la direction du Front en disant il faut que Soral monte dans la hiérarchie. Si on vient me chercher et qu'on me dit est-ce que tu acceptes des postes, peut-être que je dirais oui, mais je vais pas aller rentrer dans le bureau du Front... Je ne vais pas arriver là-bas alors que je ne suis pas membre du Front National en disant, les gars, vous allez me donner les clés de la maison. Ça n'existe pas, ça. Ça oui. Mais je suis très flatté que des gens pensent à moi. Il y a beaucoup de gens qui pensent à moi dans la jeune génération qui trouvent que j'ai certaines qualités. Et je serais tout à fait, d'accord pour mettre mon destin au service du patriotisme tel que je le conçois et que je trouve tout à fait... le péno compatible, le marino compatible, d'ailleurs, compatible avec pratiquement tous les cadres du Front. Parce que moi, j'ai cette particularité, c'est que je m'entends bien avec Golnisch, je m'entends bien avec Martinez, je m'entends bien avec Alliot, je m'entends bien avec tout le monde là-bas. Et les gens à qui je m'entends pas, c'est deux, trois types qui, en fait, sont des transfuges de l'UMP. Oui. De toute façon, ont vocation à retourner à l'UMP. C'est des gens qui ont déjà trahi trois ou quatre fois. Je ne vais pas citer de nom parce que ce n'est pas mon genre. Oh, dommage, allez, fallait juste un. Non, parce qu'en plus, je ne connais, donc je ne vais même pas leur faire de pub. Je veux dire, il y a. certains médias, il n'y a pas de guerre au Front National. Il y a eu le bureau politique du lendemain de l'échec. Ça s'est relativement bien passé, tu vois. Il n'y a pas de guerre à mort au Front National. Ouais. Il y a deux, trois types qui rêveraient un jour que l'UMP les appelle le Front National comme force d'appoint et que comme ça il pourrait un jour être député, parce qu'il y a des gens qui rêvent un jour d'avoir une voiture avec un chauffeur, mais ces gens-là sont très marginaux dans le mouvement. Tu vois. Mais dis-moi, est-ce qu'ils ont déjà eu des postes que l'on connaît? Je pourrais peut-être nommer juste ça. Non, c'est pas intéressant. Je veux dire, tu vois, par exemple, les réactions de tous les dirigeants du Front. Mais c'est toujours intéressant de savoir c'est qui les faux culs. Comment? C'est toujours intéressant de savoir c'est qui les faux culs. Ouais, mais enfin, les gens qui connaissent l'appareil, ils savent qui c'est. C'est des gens qui ont trahi chaque fois qu'il fallait. Ok. Donc, chaque fois qu'il y a eu une tentation et qu'ils ont trahir à un moment difficile, ils sont partis. Et puis, ils sont revenus parce que de toute façon, ils n'arrivaient à rien. Okay. Tu vois, il y a un homme au Front qui est assez haut placé en ce moment. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Et qui a, au moment de la scission, traité Le Pen de grosse poufiasse blonde, tu vois. Et ce type se pavane dans les couloirs. Oh, t'es pas sérieux, là? Voilà, bah, tu vois, moi, finalement, tu traites Le Pen de grosse poufiasse blonde, c'est difficile de revenir. Mais qui a dit ça? Pour plus le péniste que les autres. Allez, qui a dit ça? C'est dégueulasse. Bah, que les gens surfent dans leurs archives, mais ça n'a aucun intérêt. Ce que je veux dire, moi, c'est que... Oh, dans leurs archives? Attends, tu viens de nous mettre sur une piste, là. Dans leurs archives, parfait. Ah bah, tu verras qui cherche. Mais le soir de l'échec, à chaud, quand les médias sont allés interroger les personnes les unes après les autres sans qu'ils soient concertés, tous ont dit nos voix ne sont pas à vendre. Il n'est pas question d'appeler, par exemple, personne n'a dit, il est question d'appeler à voter Sarkozy. Aucun cadre du Front n'a dit ça, par exemple, tu vois. Donc tout le monde est en gros sur la même ligne, qui est une ligne quand même d'indépendance et de dignité, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller faire ce que sont en train de faire en ce moment l'UMP et le PS avec des roues. C'est-à-dire que là, on retombe dans la politique ignoble, celle que nous ne voulons pas la faire, nous la détestons, où ils sont tous en train de draguer Bayrou parce qu'ils ont besoin de lui pour gagner. Ségolène propose un flirt à Bayrou. Ouais. C'est malheureux, hein. Sarkozy vient de créer un groupe de travail avec un ancien de l'UDF pour essayer d'aller voir comment contacter un par un les cadres de l'UDF pour aller les menacer pour qu'ils lâchent Bayrou si jamais Bayrou voulait basculer à gauche. Enfin, je veux dire, on est dans des tractations politiciennes. Ben, est-ce que tu es en train de me dire, Alain, que c'est un travail de pute? Ben, évidemment, la politique est quelque chose d'assez ignoble. Hein. Et nous, on voulait changer la politique, tu vois. Je veux dire, et c'est là où moi je disais que j'étais dans une position révolutionnaire, c'est que essayer d'amener le front populaire, tu vois, c'est un lapsus, le Front National au pouvoir, c'était changer la politique. Là, c'est le bal des vampires. On voit revenir à la télé avec des sourires satisfaits toutes les salopards et tous les ignobles qui sont compromis dans tous les scandales depuis 30 ans, qui sont revenus se pavaner sur toutes les chaînes. Alors, et on va peut-être rigoler quand on va avoir le premier gouvernement de celui qui va gagner. Alors, parce tu peux me dire... Il n'y aura pas beaucoup de nouvelles têtes. Hein. Tu peux me dire aujourd'hui, mot pour mot, que c'est un travail de putain, justement, la politique? Oui. Et justement, Le Pen a cette grande qualité qui fait que parfois on estime qu'il fait des fautes, mais il fait des fautes parce qu'il préfère sauver son honneur. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Il dit nos voix ne sont pas à vendre. On me reproche d'avoir dit cette phrase, mais je l'ai dite parce que je l'avais sur le cœur et que je pense que c'était la vérité. Tu vois, c'est ce que les gens reprochent à Le Pen, finalement, parfois, c'est ne pas être un politicien au sens le plus méprisable et bourgeois du terme. Moi, c'est tout ce qui fait que je respecte Le Pen et Front National, c'est que ce n'est pas un parti de politicien au sens strict et méprisable du terme. C'est un parti différent, voilà. Comme à un moment donné, peut-être même le Parti communiste a pu être différent, tu vois, qui était un parti révolutionnaire, etc. Bon. Question pour toi, Alain Soral. Question de la part d'auditeurs via live@roquet.com. On nous dit, bonjour Alain, en cas de victoire de Sarko, est-ce que vous ne croyez pas que Besancenot, ou bien, dans le fond, l'extrême-gauche, le demande à la révolte, par exemple, la demande à la révolte ou même à l'émeute? Non, Besancenot, de toute façon... La citrouille triste. Il n'a pas trop les moyens. Besancenot, de toute façon, il a fait son travail qui est finalement d'appeler... moi, j'ai toujours dit qu'il gérait le bac à sable du PS. Et bien là, il appelle à faire barrage à la droite, et donc il appelle à voter Ségolène. Il est payé pour ça. Hein, les liens entre la LCR et le PS sont des liens organiques. Les trois quarts des cadres du PS sont des anciens de la LCR, donc il n'y a aucun problème. Et si jamais, à un moment donné, Sarkozy prend le pouvoir... Ceux qui ont les moyens de l'emmerder, ce sont les réseaux du PS traditionnel, qui sont les réseaux de fonctionnaires, et la LCR gère les réseaux, on va dire, des étudiantins, qui sont le prolongement de ces réseaux de fonctionnaires, c'est-à-dire des profs, etc. Donc si à un moment donné, Sarkozy prend le pouvoir, ben là, aussi gagne, Le PS, sans doute, l'empêchera de gouverner en multipliant les manifestations, les blocages, parce qu'ils ont quand même la haute main, surtout sur le syndicalisme de gauche. Et effectivement, je souhaite bien du plaisir et bien du courage à Sarkozy pour gouverner face à une gauche qui aura été battue et qui l'empêchera par tous les moyens d'obtenir des résultats positifs. C'est pour ça que moi, j'avais bien dit, c'est que quoi qu'il se passe à l'issue de ces élections, la France va être ingouvernable. Hein. Parce que si c'est le PS qui gagne, en fait, on reste exactement dans l'espèce de statu quo d'une France bloquée qui fait de la dette et qui continue à faire de la solidarité sociale en empêchant les classes moyennes de produire de la valeur ajoutée, si on veut être un peu technique. De toute façon, c'est malthusien comme démarche et ça ne peut pas durer très longtemps. Si c'est Sarko, il va vouloir faire une espèce de réforme libérale à l'anglaise ou à l'américaine qui ne correspond pas aux fondamentaux de la France et ça va créer des révoltes syndicales et corporatistes dans tous les sens. Si c'était Le Pen qui avait gagné, on aurait peut-être assisté aussi à une tentative de soulèvement, de faire descendre les gens dans la rue comme dans l'entre-deux-tours. Donc de toute façon, je ne vois pas qui va pouvoir gouverner en France demain. Celui qui croit peut-être pouvoir y arriver, c'est Bayrou, en disant peut-être qu'en 2012, j'arriverai à faire une espèce de mouvement de conciliation des contraires, du centre, etc. Et le seul qui se dit qu'il peut tirer parti de ce merdier, le seul personnage du système qui peut se dire ça, c'est Bayrou, en disant face à ce blocage réciproque des deux grands partis qui est l'UMP et le PS, les Français m'amèneront peut-être au pouvoir en 2012 parce que je représenterai, on va dire, la troisième voie à l'intérieur du système. Donc moi, voilà mon analyse. Hein. Alain, merci. Justement, ton analyse était intéressante et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter avec toi. Ben, enfin, c'est rendu pratiquement une habitude, hein, Alain. Il faut faire gaffe, là. Des fois, on y prend goût. De quoi? On y prend goût, justement, de t'inviter comme ça. Ben, moi, j'essaye de faire de produire des analyses, quoi. Comme tout le monde, mais au moins, je fais un effort de... J'ai pas de stratégie, c'est-à-dire que j'essaye de dire ce que je crois comprendre de la réalité qui est assez complexe. Je ne suis pas là pour mentir, donc ça peut avoir un intérêt, parce qu'effectivement, il y a assez peu de gens aujourd'hui chez les analystes qui produisent des analyses sans arrière-pensée, tu vois ce que je veux dire. C'est juste. Les gens ne sont pas des analystes, ils sont en général des mecs en mission, tu vois. Ils sont missionnés par un pouvoir ou un autre pour faire passer un message militant sous couvert d'analyse. Et c'est pour ça que il y a une espèce de quand même un niveau qui est très très bas dans les médias et même les médias soi-disant de qualité qui s'adressent aux élites parce qu'il y a de moins en moins d'analystes indépendants. Hein, Tout à fait. Donc voilà, ça peut être... On va inviter les auditeurs à envoyer des courriels massivement. Eh ben oui, si. Why not? Je vous dis, je suis très flatté que les gens pensent que je puisse avoir un avenir au Front National, mais à ce moment-là, bah oui, qui suggère à la direction du Front avec qui je m'entends très bien d'ailleurs, de me proposer quelque chose de sérieux. Hein. Moi, voilà. J'ai apporté mon soutien dans cette campagne au nom de l'Union Patriotique parce que je voulais que ça change. On a raté notre coup et je pense que c'est, comme disait De Gaulle, on a perdu une bataille mais pas la guerre parce que de toute façon, aucun problème n'est réglé et ceux qui vont quel que soit le candidat qui va se faire élire, il n'a pas les moyens de régler aucun des problèmes de la France. Donc on a fait là que reculer pour mieux sauter, je dirais, et nous patriotes restons à la disposition du peuple de France pour il l'a pas compris ce coup-ci, comme disait Le Pen, on lui en veut pas, hein. Voilà, on reste à sa disposition, hein, et peut-être qu'il va faire appel à nous plus tôt qu'on ne croit. Exactement, Alain. On se reparle. Merci beaucoup de ta venue. Oui, à très bientôt. À très bientôt, Alain. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Alain Soral que vous venez tout juste d'entendre. Nous, on s'arrête à l'instant, 9h33 minutes. On va se retrouver du côté de la chaîne. Attendez un instant, c'est bfmtv.fr. On va aller voir le speech de Bayrou tout de suite après ceci. Restez là. Rocking.com, we are the world.